بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم الولاء والبراء والعلوص والدزافو للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. تخرج كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. ثالثة بارتي. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، فنحن دخلنا في الدرس السابق في من مظاهر موالاة الكفار، من السين أبارون دامور الكفار، أخذنا التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، le fait de le ressembler dans le parler, dans l'accoutrement et autres. تكلمنا الإقامة أيوة كما مكتوب هنا الإقامة في بلادهم، le fait de rester chez eux et de ne pas partir dans le pays des musulmans pour fuir avec la religion. L'imam laisse là عذر pour ceux qui ont une excuse. هؤلاء معذورون. وشيئا مما يشترط على الهجرة من بلاد الكفار يعني في الوجوب أن يكون الشخص لا يستطيع أن يقيم مدينة. que la personne bien sûr parmi les choses qui rendent que la hijra est obligatoire pour lui ou il est fait مستحبة عدم قدرة إقامة ديني qui ne sont pas en mesure de pouvoir appliquer sa religion ouvertement comme il se doit. هذا شرط مهم لأن في بعض بلاد الكوف تستطيع. il y a des pays de كوف où les gens ils arrivent à faire l'islam. Mais c'est moustahab pour eux de partir. Ah ben ceux pour qui ils ne sont pas en mesure de le faire, il y a trop de contraintes, trop d'interdictions sur leur religion, cela c'est wajib pour eux. Et parmi ces beled, actuellement, il y a la France. Actuellement, en France, à part quelqu'un qui va là-bas sur un alim, pour dire, chir, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, chir, c'est comme ça, vous pouvez rester. Quand je dis le chir, tu dis bien c'est quoi la France, il va dire tu pars demain matin. Si on leur dit vraiment c'est quoi la France, il y a des ulama comme chir al-Faymi, rahimahullah ta'ala, il dit rien que le fait qu'il n'y ait pas l'adhan d'un pays, ça suffit à ce que tu partes. Rien que l'adhan, tout seul. Et aussi le fait de ne pas pouvoir faire le sha'il à l'islam, les emblèmes de l'islam apparents comme l'Eid. On ne peut pas le faire en France. On ne peut pas égorger, on ne peut pas, tu vois. Il y en a qui disent, ça suffit à ce que tu partes. Alors que dire du reste? Que le hijab est mamnou, qu'on n'a pas d'école pour nous, qu'on est combattu, que maintenant, même quand il y en a, il a fait, il a écrit la ilaha illallah sur sa pancarte, il a eu un procès. Est-ce qu'il a écrit la shahada sur, il a, je crois qu'il a eu le maktaba, un truc comme ça, j'ai vu sur les infos, il a eu des problèmes juste par écrire la shahada, t'imagines un peu? La shahada. Obel et shahadatan. Il a eu des problèmes pour ça. Donc, va dire ça à quelqu'un, et il va te dire, mais tu vois, maintenant, si tu prends un alim, tu l'emmènes là, dans des mosquées à droite à gauche, il ne sait pas ce qui se passe derrière, en coulisses, comme on dit, il va voir plein de frères devant lui, des frères en bas, tout ça, il va dire, ah non, vous êtes bien, ça va, vous arrivez à faire quelque chose. On lui dit, bah, chère, vis ici, fais une vie ici, mène ta vie avec des enfants, tu vas voir que tu vas vite à changer d'avis par rapport à ta fatwa, crois-moi. Donc aussi les gens ils jouent avec le ulama, tu vois. Ils aiment bien dire ça, nous on est là pour la darwa, il y a personne à part nous. Le chef va dire, ben faites darwa. Ils font pas de tafsil, ils expliquent pas, ils donnent un kalam vague, général, pour obtenir une parole qui va dans leur sens. Tu vois, ils sont pas équitables dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ont un cause. Mon cause c'est de rester ici, en fait. Mais comme je sais qu'il y en a, ils vont me critiquer, alors je veux une fatwa d'un savant pour me protéger. Un bouclier, comme on dit. Tu vois, mais cette fatwa, yomul qiyamah, ma tanfa'. يوم القيامة devant Allah tu peux avoir 10,000 fatwa. Tu vois, comme dit le hadith, أن الإثم ما ترد له في النفس. Les choses que dans lesquelles ton nefs il hésite. Tu vois. وتكرر يطلع عليه الناس, que tu détesterais que les gens sachent, d'une part. Ou également, quelque chose que les gens t'ont fait comme émis comme fatwa, t'es pas murtah. Tu le sens pas. Tu sais que la fatwa elle est pas. Même si le plus grand des savants de la terre, tu donnes une fatwa et sa fatwa. Tu sens que il y a un truc. Tu vois? Parce que le alim, lui, fait le fatwa en fonction de ce qu'on lui donne comme information. Donc les gens peuvent jouer. Dire il y a ça, ou il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Donc là, le alim, lui, fait son travail, ijtihad, il fait une fatwa en fonction de ce qu'il sait. Mm-hmm. Et il y en a, ils savent ça, donc ils jouent avec. Ils viennent avec un kalam général, ils disent pas tout. Ils disent ce qu'ils veulent, ils se testent ce qu'ils veulent, et après ils sortent une fatwa dans un alim. Et après ils disent, non, regarde, Shafouden a dit qu'on peut rester, regarde. Ou Shafouden fait ce qu'il y a un tel, regarde. Parce que vous voulez montrer un visage, mais il ne connaît pas la réalité de la chose. C'est un être humain. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a dit que si quelqu'un vient, deux d'entre vous venez, par exemple, pour un litige, et que l'un des deux était plus éloquent, il se peut que je juge en fonction de celui que j'entends. Lui-même, pour lui, il l'a dit. Allazi yanzil alayhi al-wahy. Il l'a dit ça pour lui-même. Donc que dire de ceux qui sont en dessous de lui? Qu'un alim, tu peux lui parler, et, tu vois, il va croire ce que tu veux lui dire. Mais à la base, il n'y a pas d'ism lui par rapport à ça. Ouais. Le ism, c'est celui qui a joué avec lui. Non. Donc on avait dit également, as-safar ila baladihim li'ard linuzha wa mut'a an-nafs. Le fait de voyager dans leur pays en guise de tourisme ou de recherche de dunya ou ce genre de choses. فالان واصل ان شاء الله. رابعا toujours dans les signes qui amènent à montrer un amour pour les kuffars. إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم. Donc le fait de les soutenir, de les secourir contre les musulmans, de les vanter et de les défendre. تمام؟ وهذا من شأن من المنافقين. هذا شأن المنافقين تماما. Ça c'est vraiment le cas des munafiqin, des hypocrites. فقال وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك. Et cela fait parmi et cela est compté parmi les actes annulatifs de l'islam. Munasarat al-kuffar al-muslimin. Fahamt? Azaw. Et le fait de faire les éloges des kuffars, de les défendre et de les soutenir contre les muslimines. Mais attention, il y a un tafsil. Des fois, il y a des cas de daroura, comme c'est déjà arrivé. Depuis où des fois, des muslims, c'est ta'anou bil-kuffar. Did muslimin akharin. Ça, c'est encore une autre histoire qui demande plus de tafsil. Mais le os, c'est que t'as pas le droit de le faire. C'est-à-dire, le os, t'as pas le droit de le faire. Mais il y a des cas de daroura, des muslims qui sont plus forts, par exemple, qui vont faire du mal, et qu'il y a des kuffars qui sont en mesure de pouvoir les arrêter. Min l'asbab al-dunyawiyya, parmi les asbab que Allah il a mis, que seuls les koufars peuvent s'interposer, si c'est pour sauver une maslaha plus grande de muslimines, là t'as le droit dans ce cas-là. Mais ça, ça arrive en la main, ça c'est des cas particuliers, tu vois. Mais là, le os, non. Mais c'est pas tu les ventes non plus. Et tu les défends, tu fais leur éloge. Non. Tu te sers d'eux pour un but, un objectif, sans pour autant, tu vois, les vanter et les aimer. Non. Tu les utilises en fait. Ah là, mais c'est pas que tu commences à les vanter, à faire leur éloge, à dire à les gens de les, à les aimer, ce genre de choses. Non. Ah là, les saminons. Attention, la différence entre l'istirana bihim, fi l'ishtinab akala darrain, ou al-madh. Ahemt? Naam. Toi, fuma kwale, khamisan, al-istirana bihim, wa thika bihim, wa talwiyatuhum, al-manasib al-lati fiha asrar al-muslimin, واتخاذهم بطانة مستشارين عفوا مستشارين نعم مستشارين. Donc le fait de chercher de l'aide auprès d'eux, de leur faire confiance, de leur confier des postes sur lesquels ils pourraient connaître, on va dire, les secrets des musulmans, les choses qui sont attrait à l'État par rapport aux musulmans, et de les prendre comme confidents et conseillers. Quand même. Asrar, c'est le djem de sir, c'est les secrets. Naam. Confident, c'est le bitana. Comme ça tifil aya. Mustasharin, c'est en forme de conseiller. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. وَدُمَا مَعْنِدْتُمْ قَدَ بَرَتِ الْبَغْضَاءُ بِأَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas de confidents en dehors de vous, car ils ne failliront pas à vous bouleverser. Et que la haine a déjà apparu de leur bouche et ce que contient leur poitrine encore plus grand. Nous avons certes déjà clarifié les versets, si seulement vous pouviez raisonner. Est-ce que vous, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous croyez alors que vous croyez au livre entièrement? S'ils vous rencontrent, ils vous disent nous croyons. Et si ils s'en retournent, ils se mordent les phalanges de la rage. Donc dit, mourez de votre rage. Et certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que contiennent les poitrines. Si un mal vous atteint, ils s'en réjouissent. Et si un bien vous touche, plutôt si un bien vous touche, ils s'en réjouissent, ils s'en mécontentent. Et si un mal vous touche, ils s'en réjouissent. فهمت؟ فقال حفظ الله تعالى فهذه الآية الكريمة تشرح دخائل الكفار وما يمكنونه نحو المسلمين من بعد وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكل وسيلة وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للأضرار بهم والنيل منهم. Donc il dit, ces versets nobles démontrent les stratagèmes des koufars. D'accord? Est-ce qu'ils préparent à leur rencontre? Est-ce qu'ils ressentent comme haine? D'accord? Et comme ce qu'ils préparent, comme nous l'avons dit, comme stratagème, comme complot et comme trahison. Et qu'ils aiment qu'il leur arrive du mal. D'accord? Et qu'ils soient atteints par toute nuisance, par tout dommage. Ils aiment cela. Cela, ça les réjouit. Quand les muslims sont atteints par un mal, ça les réjouit. Et ils se servent, ils profitent de la confiance que leur portent les muslimines pour pouvoir les tromper. D'accord? Et aujourd'hui, parmi les Macs que tu peux voir, beaucoup, c'est que, par exemple, en France, ils mettent beaucoup les fils des muslimines en avant, dans les choses apparentes, dans le sport, dans la musique, ce genre de choses. Tu verras souvent, ils vont les mettre eux en avant, pour attirer les autres dehors. Pour dire, regarde, un tel est arrivé, c'est un de tel pays, par exemple, je sais pas, moi, c'est un Tunisien, regarde, c'est une star de football. Voilà, vos chances ici. L'autre, ça devient, c'est une star du rap. L'autre, ça devient un acteur. Tu vois? Ou même, des fois, ils font de leurs émissions bizarres, là. Alors, chez télé-réalité, ou je sais pas quoi. Et le gagnant, ça va être un muslim à la fin. Ou parmi les finalistes. Pourquoi? Pour pouvoir, tu vois? Pour pouvoir, chajar les muslimines par rapport à ça. Non. Donc, après, il dit quoi? Pour les appâter, en fait. Pour leur dire, chez nous, vous avez des possibilités de réussir. Mais jamais ils auront des postes au placé. Ou au pire, ils vont mettre un poste au placé, c'est un poste qui va éclater les muslimines. Par exemple, ils vont prendre un muslim complètement éclaté, ils vont le mettre ministre de l'éducation. Mathalan. Ou une femme éclatée, ils vont la mettre ministre des droits de la femme. Vous prenez une arabe, ils vont la mettre là. Exprès. Tu vois? Ils vont la prendre, ils vont la mettre là exprès. Rawal Imam Ahmedou عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه لي كاتب نصراني قال ما لك قاتلك الله أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفة قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم أو عزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله. Donc il dit que l'imam Ahmed a rapporté selon Abu Moussa al-Ash'ari que Omar, qu'il a dit à Omar, radhi anhu, j'ai un scribe chrétien. Omar a dit, que t'arrive-t-il? Qu'Allah te combatte. Et là, il m'a dit, qu'Allah te combatte. Et là, il m'a dit, qu'Allah te combatte. Il m'a dit, qu'Allah te combatte. C'est pour le blâmer et le réprimander. Pas dans le sens que voilà le combat pour de vrai. Comme, quand t'asma', la salam ibn bar salaf, qu'un salaf a apporté une parole, l'autre dit, kazaba adouallah. En visant cette personne-là. C'est très bien que c'est pas un adouallah. Et kazab, des fois, c'est le manal khata. Fil l'orat al-hijaz. C'est pour blâmer la personne. Il y a des gens qui servent de ça pour dire, regarde, il y a des, même entre les sahaba, il y a des choses. Ça, c'est pas vrai. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que cet homme qui a été blessé à la tête, il a fait le roussel, après il en est mort. Il a dit, que lorsqu'il lui a expliqué la situation, il a dit, qatalahu, qatalahumullah. Genre ceux qui l'ont fait la fatwa, ils l'ont tué, donc Allah les tue. Voilà, c'est des sahaba. Dans le sens, pour les blâmer pour ce qu'ils ont fait. Et non pas dans le sens réel. Naam. Donc Omar, il lui dit, qu'as-tu donc? Qu'Allah te combatte. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah dans le sens où il dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés, certains sont alliés les uns aux autres. Il dit, pourquoi n'as-tu pas pris un hanif, un min milat Ibrahim, de la religion pure? Il dit, ô chef des croyants, moi je profite de son écriture, et lui il a sa religion. Omar lui dit, moi je ne vais pas les honorer alors que Allah les a avilés. Et il poursuit en disant, vais-je les élever alors que Allah les a rabaissés? Et vais-je les rapprocher alors que Allah les a éloignés? Tant même, wa min huna mas'ala, sur le fait de, est-ce qu'il est permis de travailler pour un kafir? D'avoir un patron kafir. Tu vois, le shir, il avait dit interroger, par rapport à ça. Il dit, à la base, c'est mubah. À la base. Mais il a dit, si tu peux éviter, ne le fais pas. Tu vois, comme de le hadith dans le Bukhari qui est venu, j'ai vu que c'est le sahabi qui travaillait pour un homme, et quand il est venu pour le payer, il a dit, je te paierai pas. Tu vois, il a dit, je te paierai pas. Et après, je ne sais plus qu'on est arrivé à lui dire ça, il dit, est-ce que je serai ressuscité et j'aurai des enfants? Non, il a dit, bah, tu me rendras le meilleur Qiyama. Tu vois, il dit, bah voilà, le meilleur Qiyama, tu auras l'argent. Quand je serai ressuscité et que j'aurai des enfants et tout, je te rembourserai à ce moment-là. Dans le sens qu'on sera ressuscité, genre il se moquait de lui en fait, de sa akida. Min huna, qu'on l'a ta'ala, fil surat Maryam, arrête al-lazi kafara bi'atina wa qu'on l'a ortienna melen wa walada. Vous voyez, celui qui a dit, tu veux celui qui a mis en nos versets, et qui dira, je te donnerai de l'argent, on donnera de l'argent et des enfants. C'est-à-dire, yom al-qiyama, quand je serai ressuscité. Et à ce moment-là, je te rembourserai. Dans le sens, dégage, tu vois, t'auras rien. Même Tani, le kafir, Mayo Sakbi. On peut pas lui faire confiance. Maintenant, ils ont mis des règles, ils ont mis des lois, avec des droits. Quand même. Mais à la base, le kafir, tant que tu peux éviter de travailler pour lui, ne travaille pas pour lui. Et encore moins, il y a des boulots, faut même pas les faire, c'est tout ce qui est, être à son service. Par exemple, chauffeur, serveur dans le restaurant, ou femme ou homme de ménage, ce genre de choses, ou éboueur dans les rues de France, ça, c'est des trucs, c'est rabaissant pour le muslim, il n'a pas à faire ça. Allah, il a dit, chama yajouz. T'as pas à faire ça pour eux, t'as pas à traverser devant eux, tu vois. Tu te fais pas ça pour eux. Tout ce côté, alors, khidma, t'as khidbatihim, là, t'as fait. Ah ben maintenant, c'est autre chose, par exemple, je sais pas, moi, c'est un travail, t'es un employé, mais c'est pas toi qui te rabaisse toi. Ma péché, mais tout ce qui est de khidma, t'es à leur service, et tu les élèves eux, tu te rabaisses devant eux, ça non. Il l'a dit. Mais à la base, tu peux éviter de travailler pour un kafir, fais-le. Donc tu peux éviter de le faire, fais-le. ثم قال حفظ الله تعالى وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة فقال إني أردت أن أتبعك ونصيب معك قال تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع لن نستعين بمشرك. Donc l'imam Ahmed et l'imam Muslim ont rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم était sorti pour aller à Badr et qu'il fut suivi par un homme parmi les mouchriquins. Et qu'il a rejoint, il lui a dit, je veux te suivre et toucher ce directeur du butin. Le Nabi Salam, il a dit, est-ce que tu crois en Allah et en son messager? Il a dit non. Il dit, alors retourne. Je ne cherche pas d'aide, je ne m'appuie pas sur un mouchrik. Parce qu'en fait, là, il n'a pas besoin de lui. Tu vois? Donc, repars, pas besoin de toi. ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين التي يتمكنون بواسطتها من اطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم ويكيدون لهم بإحلاق الضرر بهم وهذا ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين بلاد الحرمين الشريفين وجعلهم عمالا وسائقين ومستخدمين مربين في البيوت وخرطهم مع العوائل أو خرطهم مع المسلمين في بلادهم. Donc il dit que ce texte nous clarifie clairement le côté illicite de confier aux kuffars des travaux, des postes qui reviennent aux musulmans. Ces mêmes postes par lesquels ils peuvent. Wa alaykoum salam. Ces mêmes métiers par lesquels ils peuvent découvrir des choses du hal des musulmans. D'accord? Leurs secrets, ce genre de choses, qui peuvent comploter contre eux et leur faire du mal. Et comme par exemple ce qui arrive actuellement, il a dit un exemple, à cette époque, dans Saoudia, il parle de l'Haramein, du fait qu'ils reçoivent des koufars dans les bêtes des musulmans et qu'ils les font, ils en font des chauffeurs, par exemple, ils les font travailler pour eux, ils en font des chauffeurs ou des employés de maison ou même des éducateurs dans les maisons et ils les mélangent avec leur famille. Ou qu'il les mélange aux musulmans. Il dit cela, ça va leur nuire. Car le chauffeur, il est avec toi, il entend ce que tu dis dans la voiture. Hein, ou dans la maison, tu confies tes enfants, l'éducation des enfants, tu leur confies à eux. Ils peuvent leur nuire. Ou ils se mélangent aux familles. Ils peuvent mettre leur poison. Il dit ça, c'est khata. Tu vois? Ça, c'est khata. Il n'y a pas à le faire. Et encore, ça, c'est des petits postes. Alors, que dire quand tu le mets dans un poste haut placé? Dans l'État, par exemple. Ou dans la sécurité, ce genre de choses. Dans l'armée. Et autres. Ça, c'est encore plus dangereux. Donc, ça, c'était la nokta. Il a mis ça. Ça, dit ça. Et ta'lir, bitalir, et him, khususan, et ta'lir, et lazi, yu'bar, an, tukusihim, wa ayadihim, ka ta'lir, et miladi. Donc, le fait de dater avec leur calendrier. Tout particulièrement le calendrier sur lequel se base leur rite. Et leur fête, comme le calendrier grégorien. Mathalan. Faqal. والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه الصلاة والسلام والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح فاستعمال هذا التاريخ في مشاركة لهم في إحياء شعائرهم وأعيادهم. Donc il dit quoi? Ce même calendrier qui est en fait une forme de commémoration du Messie, de Isa عليه السلام. Car eux, il est basé sur quoi? La naissance de Jésus, comme ils disent. Le 25 décembre, pour eux, c'est la naissance de Jésus, de ce qu'ils prétendent. Et le 1er janvier, c'est la nouvelle année. Et leur calendrier, il est solaire. Nous, c'est un calendrier comment? Lunaire. Et également, il n'y a pas que le leur, il y a aussi le calendrier chinois qui existe. Mathalan, il y en a d'autres. Mais le plus connu et le plus répandu, c'est celui-là. Et ce même calendrier qu'ils ont eux-mêmes inventé, innové. D'accord, de eux-mêmes, que ce n'est pas Isa qui est venu avec, Isa et Toussaint. C'est pas lui qui leur a dit, basez-vous sur ma naissance. Sa naissance, ils la connaissent même pas. Ils la connaissent même pas. Ils ont mis une date comme ça, ils sont mis d'accord. Et depuis le temps, c'est sûr que c'est pas la bonne. Tu vois, à qui? Donc il dit, le fait d'utiliser ce calendrier, cela contribue à participer avec eux dans le fait de revivifier leur rite, et leur religion, et leur fête. Tamam? Et il y a d'autres fêtes religieuses basées sur leur calendrier, marlouf. Et chaque jour, t'as une fête dans leur calendrier. T'as Saint Bernard tel jour, t'as Saint Benoît tel jour, t'as Saint Robert tel jour, t'as Saint Philippe tel jour, t'as Saint Bertrand tel jour. Tous les jours, c'est une fête d'un saint. On ne sait pas qui ils sont, mais toujours, il y a la fête d'un saint. Alors, tu vois quelqu'un, tu dis, comment t'appelles aujourd'hui? Ah, m'appelle Arnaud. Ah, aujourd'hui, ah, c'est la Saint Arnaud aujourd'hui, bonne fête. Là, comme ça. Je sais pas ce qu'ils fêtent, tu vois, je sais pas c'est qui est Arnaud, mais Mathalène. Et ça, dans leur calendrier. Regarde dans leur calendrier, chaque jour, t'as une fête. Et après, t'as les fêtes communes. L'Ascension, la Pâque, tu vois, ce genre de choses. Après, t'as le Noël, le jour de l'an. T'as l'Épiphanie, quand ils font les crêpes, là. Ah ouais, Mardi Gras. Voilà. Après, t'as le truc, là, quand ils font la porte des galettes des rois. Tout, chaque jour, il y a un truc à fêter avec eux. C'est la fête tout le temps avec eux, en fait, quand tu regardes bien. Tout le temps la fête. Et pourtant, malgré ça, tu le vois, ils sont pas heureux. فقال ولتجنب هذا لما أراد أراد الصحابة ووضع تاريخ للمسلمين في عهد خليفة عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم والله المستعان. Donc il dit que pour éviter cela, c'est pour cela que les Sahaba sont réunis pour émettre une date, pour se faire un calendrier propre à eux. Donc Omar avait rassemblé les Sahaba, certains des Sahaba, pour se mettre d'accord sur une date fixée. Ils sont mis d'accord sur la date de la Hijra. Vous voyez, la Hijra. Ils n'ont pas mis la naissance du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui prouve bien, encore plus, c'est un rod pour ceux qui font le Mawlid. Fêter sa naissance. Car ils auraient pu faire, on prend sa date de naissance. Mais pour pas justement ressembler au Koufa comme eux ils l'ont fait, ils ont dit non, on va prendre un Hijra. Et tu regardes bien les gens, comment ils sont en opposition à ce que les Sahaba ils ont fait, c'est qu'aujourd'hui, ils vont fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après eux, pas prophète d'amour pour lui, mais ils vont pas faire la Hijra. Alors que les Sahaba ils ont basé le calendrier sur la Hijra. Pour dire que c'est pour eux, c'était un phénomène qui était bien plus important. Même pour l'islam et les musulmans. Et les gens ils ont pas compris. Et comme ils ressemblent aux koufars dans ce qu'ils font, Et ben ils ont fait ça. D'ailleurs, ça c'est parmi les noctes qu'on peut mettre dans le dans ce livre également. Mutashabbu al-Kuffar, al-Mawlid al-Nabawi. Ça ressemble à Noël. Ça veut dire ce qu'ils veulent, ça ressemble à Noël. Ils ont copié Noël en faisant ça. Et les causes, maqasid, c'est les mêmes. Les objectifs sont les mêmes. Naam. Donc il dit que cela démontre une fois de plus qu'on est obligé de les contredire dans ce qu'ils font. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Khalifu al-Mushrikin »« Sallu fini alaykum, Khalifu al-Mushrikin »« Wa al-Yahoud wa al-Nasara »« Wa al-Yahoud » Que le but, c'est de les contredire. Même les Yahoud le disaient. « Ma ta'ad al-Rajul ilayu khalifana » Lui, il fait que nous contredire celui-là. Dès qu'on fait un truc, il fait le contraire. Sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, notre sunnah, c'est de le suivre. Et de faire tout ce qu'ils font, tant qu'on pouvait contredire, qu'on le fasse. Et aujourd'hui, malheureusement, on fait tout le contraire. فقال سابعا مشاركتهم في أعيادهم ومساعدتهم في إقامتهم وتهنئتهم بمناسبتهم أو حضور إقامتهم أو إقامتها. Donc le fait de participer à leur fête, voyez, de contribuer à ce qu'ils les mettent en place, ce qu'ils les instaurent, ou de les féliciter lors des occasions, et de s'y présenter, d'être présent. فقال حفظ الله تعالى وقد فسروا وقد فسر قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور طيب والذين لا يشهدون الزور أي ومن صفة عباد الرحمن من صفة عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. Donc il dit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens a déjà été interprété, ce qui est et ce il y a deux yani deux ta'ouïl qui ont été faits والذين لا يشهدون الزور certains ont dit ceux qui ne mettent pas de faux témoignages. Shahadat al-Zur, c'est le fait d'apporter un faux témoignage. Et autre sens, ceux qui ne participent pas au faux. Comme le fait, par exemple, de venir à leur fête. Ça, c'est l'un des tafsirs de ce verset. Comme le Shiré le dit. Donc, cela dit, parmi les caractéristiques des adorateurs, des serviteurs du Rahman, qui ne se présentent pas, qui n'assistent pas aux fêtes des koufars. Ni Noël, ni Nouvel An, ni Pâques, ni anniversaire, ni rien de tout cela. Les fêtes des koufars, on n'y participe pas. Et on ne les félicite pas. On ne sait pas, on vient, on dit bonne année. Ma'afichal. C'est pas la bonne année. Cette année-là, c'est pas la nôtre. Il n'y a pas de anniversaire, joyeux anniversaire, sauf sur le gâteau et tout. Il n'y a pas ça. Ah, ça, il n'y a pas ça. Déjà, chez nous, en Islam, il n'y a pas d'anniversaire. À la base, ça n'existe pas. Alors que dire en plus, c'est-à-dire lui en faisant ça, c'est comme si tu construisais son mal et tu l'encourageais à faire cela. Alors qu'à la base c'est nos. Tansahu, tad'u ila Allah. Donc comment tu vas le faire? Tu vas être crédible en appelant Allah si tu construis le faux dans lequel il est. C'est contradictoire. Ça prouve que toi, à la base, tu veux pas du bien pour lui. Et ça, ils vont parler de chier à la base. Comment vouloir le bien pour le kafir? C'est quoi vraiment la vraie mu'amalat à avoir avec lui pour lui montrer que ce qu'il fait, c'est pas bien. Et non pas, comme on dit, le caresser au sens du poil. مدعهم والإشارة بما هم عليه من المدينة والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهارتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. Donc le fait de les vanter, de les soutenir dans ce qu'ils sont comme société et civilisation, et le fait d'être impressionné par leur comportement, leurs mœurs, leurs coutumes et leur savoir-faire, sans regarder leurs croyances erronées et leurs dînes corrompus. Tout ça, c'est parmi les choses qui amènent à, qui sont les signes apparents d'un amour pour eux. وقال تعالى ولا تمودن عينيك إلى ما تعنى به أزواج منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Donc ne tourne pas tes yeux vers ce que l'on a accordé comme réjouissance à un groupe d'entre eux, comme réjouissance, et bien de ce bas monde, afin que nous puissions les éprouver avec. Et la substance de ton Seigneur est bien meilleure et plus demeurable. Donc une fois de plus, ne sois pas impressionné par ce qu'ils ont les koufars. Ce qu'ils ont, c'est fitna, lahum. Ou estidraj, lahum. Ils ont beau avoir tout ce qu'ils ont comme ce qu'ils ont avec, ils vont s'écrouler avec s'ils ne se font pas tawba. Et ça sera contre Yom El-Qiyama. Tout cela. Ça va? Donc il n'y a pas à être impressionné par eux. Tu peux te rendre compte que dans la dunya ils sont forts, c'est une réalité. كما قال تعالى ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. Ils connaissent un côté apparent de ce bas monde, mais ils sont inattentifs de l'au-delà. Ça c'est un ayat spontané dans le Coran, il le dit. Mais ce qui veut dire qu'il faut que tu sois impressionné par eux, tu les vantes pour ça. Mais c'est Allah qui leur a donné. Si demain il veut, il leur prend tout. Demain ils disent on a fait ça, vous avez rien fait, c'est Allah qui vous a donné, c'est tout. C'est Allah qui vous l'a donné, vous avez rien fait vous. Et si nous, on était mutamakkinoun dans notre dîn, on aurait plus que ça encore. Mais, malheureusement, on est encore loin. Tu vois comment on est encore loin? Donc on est prouvé par une faiblesse dans la communauté. Malheureusement. Et celui qui a une vision mondaine, lui va être impressionné par ça, c'est sûr. Celui qui voit l'akhira, tout ça là, c'est rien ça. Ça va être contre toi, Yom al-Qiyama. Ça ne te sert pas à te rapprocher d'Allah. Tu peux faire toutes les inventions, ces choses-là, ça ne t'approche pas d'Allah. Au contraire, tu t'éloignes de lui, tu deviens orgueilleux, tu crois que tu as tout fait toi-même, alors que tu n'as rien fait. Comme dans le Coran, Allah dit, fais juste une mouche, essaie de créer une mouche, tu ne pourras pas le faire. Une mouche. Un moustique. Fais-le. Allez, on va dire une aile de moustique, fais-la, tu ne pourras pas la faire. Tu ne pourras pas la faire. Et pourtant, c'est parmi les choses les plus qui peuvent paraître les plus anodines aux yeux des hommes. Un moustique. Ils vont dire, c'est quoi un moustique? Eh bien, fais-en un. Haddak. Ne serait-ce que son aile, fais-la son aile. Tu ne pourras pas la faire. Donc, non, ça devrait justement t'amener à te dire, j'ai réussi à faire une fusée, à faire des avions, et j'arrive pas à faire une aile de moustique. Pour dire, en fait, tu ne maîtrises rien du tout. C'est Allah qui t'a accordé ça. Baisse. Quand elle est, wa laysa ma'na dhalika anil muslimina la yattakhidhuna asbab al quwwa min ta'allum al sina'at wal maqumat wal iqtisad al mubah wal asalib al askariya bal dhalika matlub qala ta'ala wa'iddu lahum ma stata'tum min quwwa. Donc il dit, cela ne veut pas dire que les musulmans ne doivent pas prendre des causes pour se renforcer, pour évoluer, d'accord, et pour avoir un développement industriel et une économie permise. Parce qu'attention, économie, économie. Comme le Shir le disait, l'économie des koufars, c'est du bukhl. C'est de la radinerie, l'avarice, la cupidité. Ils ne t'apprennent pas à donner. Alors que l'iktisad du musulman, justement, c'est lui, plus il donne, plus il reçoit. Allah plus il donne, ça d'accord, plus Allah lui donne, tu vois. Et l'économie du pays, là, le but, c'est pas d'apprendre comment ramasser. Justement, c'est comment, on va dire, emmagasiner pour pouvoir mieux disperser et partager avec les musulmans, les murtadines, et le mettre là où il faut. Alors que les koufars, c'est pas ça. Donc l'économie en soi, elle est permise. Mais c'est quoi ton but dans l'économie et comment tu t'y prends? Et également, d'apprendre les, par exemple, les stratégies militaires. Ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui sont permises pour les musulmans. Même, elles peuvent être wajiba. Hein, quand il dit cela même, il est recherché pour les musulmans. Dans le sens, il dit, et préparez-leur ce que vous pouvez comme force. Et il a bien dit, ce que vous pouvez. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus que tu ailles faire des mukharafat et tomber dans Malem Mudar faire le haut pour pouvoir atteindre un stade de développement. Tu fais ce qui t'est permis. Parce que les koufars, pour avoir ce qu'ils font, avoir ce qu'ils ont, ils font des expériences, ils font des choses qui nuisent aux gens. Ils ont des cobayes. Des fois, leurs tests, ils les font sur les animaux. Nous, en islam, l'animal, on ne maltraite pas. Ils font des tests, des fois, sur des êtres humains. Ils dépecent des cadavres. En islam, on ne dépasse pas un cadavre. Le cadavre, il est, tu vois, là où il y en a haqqo. Eux, ils font ça. Tu comprends? Et beaucoup de leurs économies sont basées sur des injustices. Du vol, de la tromperie, de l'escroquerie. Le muslim, il n'a pas le droit de faire ça. Donc nous, on fait comme force ce qu'on peut, mais, bihad, on a une limite à ne pas outrepasser. La taqwa est toujours devant nous. On fait ce qu'on peut faire, mais dès qu'il y a une mukhalafa, on s'arrête. Quitte à avancer, à évoluer, on va dire, non, ça, je ne le fais, je le ferai pas. Et si Allah veut me donner, il me donnera sans que j'aie à faire ça. Sans, par exemple, apprendre un petit rat blanc et le décortiquer, j'ai pas à faire ça. Et Allah, il va m'apprendre. Eh ben, vous êtes obligé de faire des trucs comme ça. Des crimes, commettre des crimes pour pouvoir, comme ils disent, évoluer. Et le muslim, il craint Allah, il fait pas tout ça. Ou plutôt, il n'est pas censé faire tout ça. On va corriger la phrase. Parce que t'en as, il craint pas Allah. Wa adil manafiyahu wal asrar al kawniyah hiya fil asl lil muslimin. Qala ta'ala, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقال تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالواجب أن يكون المسلمون سباقين إلى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقات ولا يستجدونه الكفار في الحصول عليها بل يجب أن يكون لهم مصانع وتقنيات. Donc il dit, toutes ces choses profitables, et c'est, on va dire, c'est secret dans l'existence, les choses qui sont à portée de main, que Allah a créées pour nous, à la base, elles sont pour nous. C'est pour les musulmans. Ce qu'il y a sur terre, ce genre de choses, la os, c'est que c'est pour les musulmans. Comme encore l'État Allah dans le sens où il dit, qui donc a rendu interdit la peur que Allah a sorti pour ses serviteurs, et les bonnes choses, les bonnes nourritures, elles sont pour ceux qui ont cru en ce bas monde, hein, et spécifique pour eux, le jour de la résurrection. Et il dit dans le sens, il vous a assujetti tout ce qu'il y a sur terre, et dans les cieux. Et également dans le sens, il dit, il est celui qui a créé pour vous ce qu'il y a sur terre. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est pour vous, à la base. Donc là, Cheikh Al-Othaymin, rahmallahu ta'ala, il dit, il a une parole par rapport à ça, il dit que les kuffars, tout ce qu'ils ont utilisé en ce bas monde, le Yawm al-Qiyamah, ça va être contre eux. Parce qu'à la base, c'est pas pour eux. Pour te dire qu'une fois de plus, tu les vois voir tout ça là, Yawm al-Qiyamah sera contre eux. À la base, c'est pas pour eux. À la base, c'était pour les musulmans. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, seulement, tout ce que tu vois qu'ils prennent là, Wallah, les envie pas. C'est-à-dire qu'on dit de Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Regarde comment ils s'en servent. Ils font quoi avec? Ils font du mal avec. Ils font des armes. Des armes, tu vois, super développées. Ils font quoi avec? Ils tuent les gens avec, injustement. Ils font des inventions, ils inventent des machines, des avions, ce genre de choses. Et pourquoi? Pour avoir le contrôle sur les musulmans, sur le monde. Pour manger le kufr. Tout ça, ça va être contre Yawm al-Qiyamah. Tu comprends? Les nourritures qu'ils font, elles sont pas halal. Plein de choses qu'ils font, elles sont pas halal. C'est haram, à la base. Et à la base, Allah a mis tout ça à notre service pour nous sur terre. Mais selon ses limites, est-ce que l'alcool, il nous l'a créé pour nous? Allah l'a créé l'alcool, ouais. On peut pas dire. Et c'est deux risques, l'alcool. Même si c'est haram, c'est deux risques. Ça veut dire qu'on a le droit de le prendre, ce verset? Non. Jami an aimima ubi halakum. Tout ce qui est sur terre pour vous, de ce qui vous a été rendu permis. Ne pas prendre ce verset pour dire tout ce qui est sur terre, c'est bon, je vais le faire. Prendre la drogue, prendre l'alcool, faire ci. Non. Ça, c'est un kalem haram. Après, t'as des adilés khos sont venus pour spécifier. Ça, tu peux le prendre. Ça, non, par contre. Mais là, à la base, dans une chose, c'est qu'elle est permise. Jusqu'à ce que tu as un dalil qui vient qui te prouve que tu n'as pas le droit de le prendre. Comment t'as pris dans la Corée del Jamia? Non. À la base sur les choses, c'est. Chose de Dunia, c'est l'ibaha. Tout est permis. Tant que tu n'as pas un dalil qui vient te dire que c'est haram. Et si tu as un dalil qui dit c'est haram, tu délaisses. Et combien de choses sont haram par rapport à ce qui est sur terre? Il n'y a presque rien. Voilà, il n'y a presque rien. Ils disent tout est haram en islam. Je dis non. Ouvre les yeux, regarde toute la terre, tout ce qu'il y a. Et juste sur ce qui est haram, il n'y a pas grand chose. Seulement, comme inna an-nafs al-ammaratun bisu, ton âme, elle appelle au mal, tu voudras ce qui est haram, toi, à la base. C'est ça qui va t'attirer. Tu verras que ça. Tu vois, on dit, regarde, l'alcool, c'est haram. Mais regarde, il y a combien de jus? Combien il y a de jus sur terre? Combien il y a de fruits sur terre? Combien il y a d'eau sur terre? T'as soif? Il y a l'eau de la mer. Tiens, t'as le droit de la boire si tu veux. L'eau de la mer, t'as le droit de la boire si tu veux. Mais bon, c'est vrai qu'elle est pas bonne. La halal, tiens, t'as plein d'eau, vas-y. Tu vois, t'auras jamais fini. Non, toi, tu veux l'alcool. Ils vont toutes les choses qui sont interdites. On va dire, moi je veux zina, je veux, t'as le mariage qui est là, marie-toi, t'as droit à 4 femmes en islam. Tu vois? Et après, tu peux faire tout ce que tu veux avec elles, à part ce qui était rendu interdit, comme la sodomie par exemple. Ou les rapports pendant les menstrues. Sinon, tout le reste, tu peux faire. Alors, on va dire, qu'est-ce que tu veux? Marie-toi dans le halal avec une femme, et fais ce que tu as à faire. Et tu peux en avoir 4, alors que vous, dans vos lois, c'est interdit. Monogamie. Si tu prends une deuxième femme, t'as des problèmes. D'où non? Marhaban. Tu vois? Mais on t'appelle justement à multiplier la descendance, à avoir plus de musulmans sur terre. Marie-toi. Tant que tu peux le faire, fais-le. Pour te dire comment ces gens-là ils sont, tu vois. Donc il dit, il est obligé aux musulmans de s'accourir et de devancer à la base des koufars dans l'utilisation de ces genres, de ces choses-là et de ces puissances. Sans les faire intervenir. Pour qu'eux, ils l'obtiennent avant nous. Car il est obligé à nous aussi d'avoir une industrie. D'accord? Cela nous est obligatoire à la base. Une effort d'elle qui faille. Mais, comme on a dit, toujours avec les chouroutes, que ce soit dans les limites d'Allah. T'as même, et quand aujourd'hui, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les koufars en avant pour faire ces choses-là, après ils les récupèrent. Ils disent non, toi avance-toi et fais-le. Toi fais-le. Apprends ce que tu as à apprendre et fais-le. Mais, tarte, ta'atillah. Et tu le mets au service des musulmans. Hadha wal qasd. قال تاسيان التسمي بأسمائهم. Le fait de se nommer par leur prénom. بحيث يسمي بعض المسلمين أبناءهم وأبناتهم بأسماء الأجنبية. ويتركون أسماء أبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأسماء المعروفة في مجتمعاتهم. Car du fait que les musulmans aujourd'hui nomment leurs enfants et leurs filles, leurs fils et leurs filles, par des noms étrangers, non arabes, on va dire. Qu'ils délaissent le nom de leur père et de leur mère et de leur grand-père et de leur grand-mère et des noms connus de leur société. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وبسبب تغيير الأسماء فقد وجد جيل يحمل أسماء غربية مما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة. Donc il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que les noms les plus aimés près d'Allah sont Abdullah, Abdurrahman, Asma Ta'bid, tout ce qui est Abd, Musadar bi Abd, min ahab al-asma ilallah. Tamam? Et également, Bardaha, Asma al-Anbiya, le nom des prophètes et des messagers. Ce sont les meilleurs prénoms auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le fait de changer les noms, cela a amené quoi? À ce que les générations changent. Quand aujourd'hui on trouve une nouvelle génération séparée de l'ancienne génération. Hein? Et que cela a coupé les liens qu'il y avait entre les familles des anciens, on va dire, ceux qui étaient connus par des noms qui leur étaient propres. Et également une mas'ala sur laquelle il y a une ijtibah. Déjà, Walet, des gens ils ont mal compris le fait de se nommer, quand on dit de se nommer par un prénom qui n'a pas de connotation mauvaise. Par exemple, quelqu'un se convertit, il a un prénom. D'accord? Et ce prénom-là n'est pas connu pour le mal. Mathalan. Il s'appelait Philippe. Mathalan. Philippe. Après, il se convertit. Tout le monde a connu par étant Philippe. Après, il lui fait une recherche dans l'origine de ce prénom. Il voit qu'il n'y a pas de mal dans ce prénom-là. Il dit, ben moi, je veux m'appeler Philippe. C'est pas un nom de shirk, j'appelle pas autre que Allah, ce genre de choses. C'est pas un nom qui insulte, c'est pas un nom rabaissant. Je m'appelle Philippe. Comme ça, je reste sur mon prénom. On dit non. Car même si ton nom n'a pas un sens mauvais, c'est un nom de kafir. En regardant Philippe, c'est-à-dire que tu aimes leur prénom. Et tu délaisses le prénom que Allah il aime, les noms arabes. Donc là, en faisant ça, là, c'est une forme d'amour pour ce prénom. Et ce prénom-là, qui est-ce qui le nomme avec? C'est les koufars. Les muslims n'appellent pas leurs enfants Philippe. À la base. À la base. Alors maintenant, tu vas en trouver. Tu vois? Jennifer, tu vas en trouver. Des Brenda, tu vas en trouver. Des noms, tu vois, Auzbillah. Pénélope, peut-être tu vas en trouver, je sais pas. Ça s'appelait Pénélope Belkacem. Donc attention à la mas'ala. Ne pas, comme ton nom n'a pas un sens mauvais, tu peux le garder. Non, c'est un nom. À la base, c'est un nom Arjami, un nom de kafir connu chez eux. Tu le délaisses, tu prends ton prénom d'islam. Maintenant, chez les koufars de ta famille d'avant, si tu t'appelles par ton prénom, m'appelle chez Alec. Tu peux pas leur imposer. Par exemple, tu t'appelles Abdullah. Tu peux pas dire à ta mère, tu m'appelles Abdullah maintenant. Non, ta mère peut t'appeler Philippe toujours. C'est ta mère. Et dis-moi, je t'appelle Philippe. Appelle-moi Philippe si tu veux. Mais chez les musulmans, tu t'appelles Abdullah chez tes frères. Tu vois, même ton passeport, tu peux dire je m'appelle Philippe à la base. Parce que le passeport, tu peux pas changer les noms comme ça aujourd'hui. Un autre truc aussi, une mode qu'on a vu qui arrivait chez les musulmans aujourd'hui, chez les convertis. Je sais pas d'où ils ont pris ça. C'est une chose qui est innovée. Ils gardent son nom d'islam, son nom de truc. Par exemple, il va s'appeler Philippe Abdullah, Arnaud Ibrahim, Henri Mohamed. On dit d'où ça vient ça? C'est Mohamed tout court. Henri, tu mets de côté. Ça, c'est Jam ben Ismail Ma'ayoujed Hada. Ça n'existe pas. Ça, c'est une bid'a, ça. Ça n'a pas été vu chez les salafs. Qu'un qui avait un prénom avant son islam s'est converti, il a gardé ses deux prénoms. Ça n'existe pas, ça. On leur dit, qu'est-ce que tu veux faire par là? Montrer que tu as converti. Pas besoin. C'est leur mode aujourd'hui. Ils ont un nom kafir et un nom muslim ensemble. Un nom composé, comme on dit. Il s'appelle Henri Mohamed, Masalen. On dit, c'est qui tes salafs là-dedans? Qui t'a précédé dans sa façon de faire? Qui avant toi a fait cela? Il va dire, moi je veux, c'est pas tu veux. La tasmiya min al-ibada, c'est une ibada qui a été mashrua. Donc la ibada, tu l'as fait comme le Nabi sallam nous l'a enseigné et comme les salafs ils étaient dessus. Qui a fait ça avant toi? Personne. Délaisse. Prends ton nom d'islam, fokat. Et si ta mère, tes proches t'appellent toujours Henri, shahnoum, réponds-leur, m'afficher. Mais avec les muslims, tu t'appelles Mohamed. Et Mohamed, c'est un nom que Allah a choisi pour qui? La mère des créatures. T'as pas d'Aïra, t'as pas d'Izza. Tu mélanges Mohamed avec un prénom de kafir. Mohamed tout seul, il suffit à lui tout seul. Tout seul, il pèse l'eau sur la balance, ce prénom. Ce prénom, tu vois, il faut l'élever. C'est qui Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire Nam, honore ce prénom. Barakallahu fik. T'as pris l'un des plus beaux prénoms. Donc honore-le. Il ne mélange pas avec ça. Que ce soit Mohamed ou autre, hein, un autre prophète ou un nom de. Tu vois. Nafs Shay. Donc les noms d'islam, à la base, c'est des noms arabes. À la base. Ou des noms qui ont été arabisés. C'est-à-dire qui ont été répétés chez les arabes par la suite. Ou des noms dans le Coran. Dans le Coran, t'as des noms, des prophètes, c'était pas des arabes la plupart. À la base, tous les prénoms des Anbiya sont Mamnou Minasarf, à part 6. Mais sur ces 6, 4 sont des arabes. Et Mohamed, comme je t'ai dit, Shu'aib, Salih et Houd. T'as même? Donc les prénoms, le fait de nommer en islam, c'est une ibada. Donc c'est pas ton enfant qui te donne un prénom kafir. Même si le prénom en soi, il n'a pas un mauvais sens, t'appelles ton nom par un nom de l'islam. Sinon, tu rentres dans ta chambre au bihim. Thumma qala al-istighfar lahum wa al-tarahum alayhim. Le fait de demander pardon pour eux et de demander la miséricorde pour eux. Tu dis, rahimahullah. Pardon, ma kafir est mort, tu dis, nasallah yarhama. Nakul nasallah yal'ana. Hada wa al-haq. Kala al-maudis. S'il démence son kufr, et comment il hujja alayhi, nasallah yal'ana. وقد حرم الله ذلك بقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه. Donc il dit que Allah a rendu cela illicite comme dans sa parole, dans le sens où il dit qu'il ne revient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander pardon pour les mouchtikines, même s'ils étaient parmi les plus proches parents, après que il aurait été démontré qu'ils étaient parmi les gens de l'enfer. Car cela inclut l'amour pour eux, et cela amène à rendre véridique, ou réel, ou vrai, ce sur quoi ils sont. L'istighfar, mayakun nilali, l'mu'min. Et même pour les mutadiyahs et tafsil, le fait de dire, rahimahullah ou ta'ala, ce genre de choses pour le Moutadia et un Tafsil. Tu ne dis pas n'importe qui, pour n'importe qui, n'importe quand. Ça dépend des situations. Par exemple, tu vas arriver, tu commences à dire, je sais pas moi, Hassan al-Banna, Rahimallah, tu vois, ou d'autres, Saïd Qutb, Rahimallah, ce genre de choses. Tu n'as pas à le faire à part dans des cas spécifiques. À la base, ce n'est pas haram. Dira, ça donne une forme de talatouf envers lui. Non. Et un autre point qu'il n'a pas cité, également, il y en a plein des points, mais un qui est important, que moi je te rajoute en bab ta'liq, at-tahakkum bi qawanihim fi ma yukhalif al-kitab wa sunnah. Le fait de juger avec leur loi, aslan, dans ce qui s'oppose au livre de la sunnah. Car ce n'est pas toute loi des koufars qui s'oppose au kitab wa sunnah. Des choses qu'ils ont mis, établies, qu'on peut appliquer en islam, qui ne s'opposent pas à l'islam. Mais il y en a d'autres, elles s'opposent totalement à l'islam, il y en a assez du kouf même. Comme les régimes politiques, démocratie, laïcité, communisme, libéralisme, socialisme, et j'en passe. Ces choses-là, maïajouz. Et cela, quand du triloka fil kufr, yukhrijuka min millah. Kama qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Que ceux qui jugent par autre que ce que Allah fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Wa ghayra dhalika. فاليوم كملنا ما يتعلق بمظاهر موالاة الكفار. On a pris quoi? On a pris le fait de les soutenir contre les musulmans et de les défendre. Aravna, le fait de leur faire confiance et de rechercher de l'aide auprès d'eux et de les placer dans des postes qui leur donneraient cours aux connaissances des secrets des musulmans. Également, de dater avec leur calendrier. Tamam. Également, shalakatuhum fi ayadihim wa musaratihim fi ikamatiha. Le fait de participer à leur fête, de les féliciter, ce genre de choses. Également, mat'uhum wa lishada bima hum alayhi min al-mudayyana wal hidara. Le fait de les hanter pour leur civilisation, leur société, leur mode de vie. Wa kadhalika, التسمي بأسمائهم le fait de se nommer par leur prénom. والاستغفار لهم والتراحم عليه le fait de demander pardon pour eux et de chercher la miséricorde pour eux. وهكذا. فهذا من بعض مظاهر موالاة الكفار. Parmi certaines choses qui démontrent l'amour envers eux. وكل هذه أمور ما تجوز. تمام؟ ما تجوز. فسنكتفي بهذا ونقول الحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج.